puisqu'il ne faut rien dire avant de bien réfléchir, d'accord, puisque tes méfiances se perdent dans toutes mes absences, puisque tes mystères allument toutes mes nuits entières, tu disparais et je danse, tu disparais mais en silence, juste toi et moi. Puisqu'il faut choisir entre nous deux et l'avenir, d'accord, prenons notre temps, se laisser couler tout doucement. On n'a plus rien à perdre, des sentiments dans une fière, d'accord. Tu disparais et je danse, tu disparais mais en silence, juste toi et moi. Puisqu'il faut finir.